Doctrine d'Averroès. Deuxième partie, l'Averroïsme. Opposition de toute l'école dominicaine. Certaine vigoureuse que l'école dominicaine a vouée aux doctrines arabes, on peut la suivre dans toute l'histoire de la scolastique. Les propositions que Raymond Martini, dans la première partie de son poignard, attribue aux morts, ne sont autre chose que les théories de la philosophie arabe, et en particulier d'Averroès, qu'il a prise pour la pure doctrine de l'islam. Les arguments de Raymond sont presque tous empruntés à Al-Ghazal, car, dit-il, il est bien de réfuter les philosophes par un philosophe. Il y a pour prouver l'éternité du monde cette raison prise ex parte Dei, cette autre prise ex parte Creaturae, et quatre prises ex parte Factionis, en tout 18 raisons. Mais ces 18 raisons sont renversées par 18 autres raisons d'égale force, la balance est donc jusqu'ici parfaitement égale. Une réserve de 5 raisons nouvelles vient à propos décider la victoire en faveur de la thèse de la nouveauté du monde. Mais ces 5 raisons ne sont pas tout à fait apodictiques, et, à vrai dire, la foi seule peut à cet égard donner la certitude. La théorie de l'unité des âmes est traitée par Raymond avec moins de ménagement, ce n'est point Aristote, c'est à Platon qu'Ebenrost a emprunté cette extravagance. Raymond réfute également, avec un grand appareil de dialectique, l'opinion qui cherche à limiter la providence et à enlever à Dieu la connaissance des choses intérieures. Vilia et mala. Raymond Martini, comme saint Thomas, place le principe de la diversité individuelle, non dans le corps, mais dans la proportion, dans la relation réciproque de l'âme et du corps. Gilles de Lessines, Bernard de Trilia, Hervé Nedelec, combattirent avec non moins d'énergie pour la doctrine thomiste de l'individuation et contre l'unité de l'intellect. Les questions de Bernard de Trilia sur l'âme ne sont qu'un long programme de questions arabes, toujours résolues en un sens opposé à celui des philosophes infidèles. Du rang de saint pour saint, quoique adversaire déclaré du thomisme, combat également la thèse averroïste, comme donnant la main au réalisme. Henri de Gand lui-même, dissident au sein de l'école dominicaine, se montre fort opposé à la théorie de l'agent séparé communiquant la science à l'esprit humain, de la même manière que le cachet imprime son type sur la cire. L'intellect est une partie de nous-mêmes. La science est le résultat du travail et de l'expérience. Dans sa somme de théologie, dans ses codes libeta, il combat à diverses reprises l'intellect commun. Il nous apprend lui-même qu'il fit partie de l'assemblée de théologiens qui eut lieu chez l'évêque Tempier en 1277, et où fut condamné l'averroïsme. Dante enfin, qui appartient à tant d'égards à l'école dominicaine, a cru devoir, comme tous les docteurs orthodoxes, porter son coup de lance à Averroès. Stas vient de lui exposer le mystère de la génération, mais comment, ajoute-t-il, le fœtus d'animal devient-il homme? Tu ne le vois pas encore, c'est ici le point qui a fait errer plus avant que toi, car, par sa doctrine, il sépara de l'âme l'intellect possible, parce qu'il ne le voyait point attaché à un organe. Ouvre ton cœur à la vérité, et sache qu'aussitôt que l'articulation du cerveau est parfaite dans le fœtus, le premier moteur se tourne joyeux vers ce chef-d'œuvre de la nature, et lui inspire un souffle nouveau plein de vertu, qui attire en sa substance tout ce qu'il y trouve d'actif, et se crée une âme unique qui vit, sent et se réfléchit elle-même. Et pour que ces paroles te semblent moins étonnantes, Regarde la chaleur du soleil qui se fait vin, jointe à l'humeur que distille la vigne. Quand la chésine n'a plus de lin, l'âme se détache de la chair, et emporte avec elle l'humain et le divin. Les autres puissances deviennent alors comme muettes, la mémoire, l'intelligence, la volonté, au contraire, deviennent bien plus actives. Quel est ce philosophe que d'entre connaît plus savant que lui? Benvenuto di Mola nous déclare qu'il s'agit d'Averroès, et en prend occasion de nous exposer dans tous ses détails, avec une remarquable lucidité, la théorie averroïstique de l'intellect, théorie fausse, ajoute-t-il, comme toutes celles du même philosophe, et qui justifie bien le nom de son auteur, Averroès, c'est-à-dire sans vérité. Ailleurs, Benvenuto croit encore trouver la trace d'une réprobation d'Averroès. Dante, toutefois, comme toute l'école dominicaine, distingue dans Averroès le grand commentateur, l'interprète autorisé du philosophe, de l'auteur hétérodoxe d'un système dangereux. Le commentaire sur le traité de l'âme est honorablement cité dans le Convito. Dante l'avait peut-être étudié à la rue du Fouarre, sous Sigé, de Brabant et, reconnaissant comme il l'était pour ses maîtres, il a placé Averroès dans cette région honorable de l'enfer où il a mis avec regret les hommes de grande valeur que sa foi lui défendait de sauver. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.